Ouais, ben en fait, Nintendox, ça devait finir à 2h, mais il est 4h15. Et tout va bien. Donc voilà, Nintendox, toujours la session hardcore. Voilà. En fait, la soirée électron libre s'achève des souhaits. Donc voilà. Et on vous remercie pour tout. Hey. Et oui. We'll be right back.